السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله رحمة للعالمين أرسله، تركنا عليه الصلاة والسلام على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوالها وأحوال أصحابها، اللهم آمين. واللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع ولا تشمت فينا الأعداء أو الحاسدين. ونسألك اللهم من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. واللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك، أو أن تجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المخلصين. أما بعد، فإنني أحمد الله إليكم هذا المجلس الذي يحضره عباد الله من المؤمنين والملائكة، يعني من الإنس والجن والملائكة كما جاء في الخبر. نسأل الله عز وجل أن يحفنا بأجنحة هؤلاء العباد المكرمون، وأن يحشرني وإياكم عنده في جنات ونهر. بادئا ذي بدء، نشكركم على تلبية هذه الدعوة من طرف إخوانكم في هذا المسجد المبارك، مسجد السلام بمدينة الفور. فكل منكم إن شاء الله تعالى مشكور، وكذلك ذنبه مغفور، لأن الله عز وجل وعد أن هذه المجالس يغفر الله فيها الذنوب، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقبل أن نبدأ، أعلمني الإخوة المسؤولون في هذا المسجد أن بعض الإخوة وضعوا في سياراتهم في المكان الخاطئ، وهناك مئراب ليس ببعيد من هنا، يستطيع المسلم أن يجعل سيارته في هذا المكان إن شاء الله تعالى. Avant de commencer, je tenais à remercier les responsables de cette mosquée qu'ils ont été la cause pour cette assemblée, pour cette réunion. Comme vous le savez, ces assises, ils sont bénis par Allah Azza wa Jal. Ces assises, non seulement il y a les croyants de chez les hommes qui vont s'asseoir, et aussi les djinns, et aussi les anges d'Allah Azza wa Jal. Et comme vous le savez, toute personne qui s'assoit dans ce genre d'assemblée, Allah Azza wa Jal lui a promis le pardon. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'on sera parmi ses serviteurs, qu'il les a pardonnés. Et puis avant de commencer, barakallahu fikum, comme d'habitude, on fait un rappel pour tout le monde de se bien se garer. Ça veut dire ici, alhamdoulilah, juste à côté, il y a un grand parking juste en face. Vous allez tout droit, vous allez le trouver. Toute personne qui est mal garée, on lui demande, barakallahu fih, de déplacer sa voiture juste à côté dans le parking. وأما برنامج هذه الأمسية وهذه الليلة سوف نبدأه معكم بحول الله تعالى ثم بعد ذلك الأخ إبراهيم أو مهدي أبي إبراهيم سوف يلقي عليكم كلمته وبعد المغرب إن شاء الله تعالى سيداتي أبي عبد الرحمن إلى الساعة السادسة والنصف ثم بعد هذا الشيخ المكرم المفضال الشيخ محمد بوسنة حفظه الله تعالى الشيخ محمد بوسنة هو إمام وخطيب مسجد ابن عبد البر بالعاصمة الجزائرية وهو شيخ معروف عند مشايخ وعلماء الجزائر وهو ليس بمعروف هنا في فرنسا ولكن هو رجل يعني كبير في السن وهو من كبار طلبة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى Donc inshallah ta'ala le programme On va le commencer avec vous, inshallah ta'ala, maintenant. Et puis, il y aura l'intervention de notre frère Mahdi Abi Ibrahim. Et puis, après le Maghreb, notre frère Sidati Abi Abdurrahman. Et puis, à 18h30, il y aura un appel téléphonique avec Cheikh Mohamed Boussanna. Cheikh Mohamed Boussanna, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, c'est un cheikh et c'est l'imam et le prêcheur d'une mosquée qui est à Alger, en Algérie. La mosquée de Ibn Abdi al-Barr, rahimahullah. Donc, le cheikh, il est connu. C'est une personne âgée. Et en même temps, c'était parmi les plus grands étudiants de Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala. On va l'appeler tout à l'heure. Il nous a confirmé qu'il nous attendra. Il va faire, inshallah ta'ala, une kalima d'une heure, inshallah. Wa amma kalimatuna. في هذه الأمسية بحول الله تعالى سوف نتحدث عن مسألة مهمة يحتاجها الموحد بل إن الموحد يعيش بها مسألة التوكل على الله عز وجل sinon إن شاء الله تعالى notre parole et notre sujet pour cet après-midi on va la diviser sur deux parties ou peut-être plus que deux parties إن شاء الله تعالى on va vous parler sur le fait de placer La confiance en Allah Azza wa Jal. En Allah Azza wa Jal. At-tawakkul. Al-muwahid a besoin de at-tawakkul. Une personne qui unifie Allah Azza wa Jal, qu'on peut lui donner comme nom muwahid, il ne pourra pas vivre ou compléter son iman sans tawakkul. Le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Donc on va vous parler sur ça et puis, incha'Allah ta'ala, on va vous raconter l'histoire des croyants qui nous ont précédés, ça veut dire avant la venue du prophète, alayhi salatu wa salam, où lui-même il nous a raconté cette histoire. C'est le récit du sorcier, du moine, du garçon et les croyants qu'on les a obligés de rentrer dans le fossé al-Ukhdoud. Et on va vous parler... On vous a rapporté cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'elle a un lien directement avec At-Tawakkul et on va essayer de vous rapporter quelques commentaires, incha'Allah ta'ala. قال التوكل لغة هو مصدر توكل يتوكل وهو مأخوذ من مادة وكلا التي تدل على الاعتماد على الغير في أمر ما ومن ذلك التوكل وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك التوكل Qu'est-ce que ça veut dire التوكل dans la langue arabe التوكل ça veut dire qu'une personne il va s'appuyer sur quelque chose et de là il va montrer son incapacité une personne qui n'est pas capable par exemple de marcher de courir de faire telle chose Et ainsi de suite. C'est ça le sens propre dans la langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire, tawakkul? Une personne qui va s'appuyer sur quelque chose. قال وواكل فلان إذا ضيع أمره متكلا على الغير. والوكالة في الدابة أن يسير بسير الآخر. وعلى وقال الراغب رحمه الله تعالى التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك وتواكل القوم إذا اتكل كل على الآخر. والاسم من التوكيل الوكالة بالفتح والكسر والاسم. والمتوكل على الله الذي علم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولا يتوكل على غيره. المتوكل une personne qui va s'appuyer sur des choses, et n'importe quelle chose, une canne pour marcher, un frère pour l'aider à marcher, toute chose. Donc une personne, il va s'appuyer sur une chose. Mais en réalité, le vrai tawakkul, c'est le fait de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, qui veut dire la subsistance. C'est Allah Azza wa Jal qui la donne. C'est Allah Azza wa Jal qui la donne. واصطلاحا صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. وكل هذه الأمور ترجع إلى الله عز وجل. قال وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل. التوكل s'appuyer sur Allah عز وجل qui veut dire la véracité de ton cœur à placer ta confiance en Allah عز وجل pour obtenir des bienfaits, pour repousser le mal. Donc toute personne, Allah عز وجل, celui qui te donne. Et c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va repousser le mal sur toi. Pour atteindre en réalité le degré des croyants, pour dire que cette personne il a atteint la foi espérée, ça veut dire une personne qui croit que Allah Azza wa Jal lui donne les bienfaits et en même temps il va repousser sur lui les mauvaises choses, le mal, tout mal, sans exception. Et tout bienfait, il vient d'Allah Azza wa Jal. Sinon, l'homme ou l'individu, c'est une cause seulement. Titre exemple, une personne, il a besoin des soins. Il va y aller chez un médecin. Le croyant, il a quoi comme croyance? Il croit que le médecin lui-même, il tombe malade. C'est si par Allah Azza wa Jal lui donne le remède, il ne pourra pas guérir. Ça veut dire ce médecin, c'est une cause seulement. Donc tu vas aller vers lui pour qu'il puisse te diriger, pour qu'il puisse te guider, te donner une ordonnance pour avoir tel médicament et ainsi de suite. Mais sinon, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Allah Azza wa Jal. Une personne aussi qui travaille dans une société, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, il croit que celui qui lui donne la subsistance, c'est Allah. Sinon, le patron qui est en face de lui, c'est quoi? C'est une cause seulement. Il va te garder, il va te licencier, c'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Pourquoi? Parce que la subsistance, Allah Azza wa Jal, s'il t'a donné, il va te la donner ici, il va te la donner aussi ailleurs. C'est ça? Ce qu'on appelle le fait de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal. وهناك بما يسمى بالأخذ بالأسباب. Le fait de prendre les causes. قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. ابن القيم رحمه الله تعالى il nous rapporte une parole ici. Il dit que التوكل, le fait de placer ta confiance, c'est parmi en Allah Azza wa Jal, c'est parmi les grandes causes. Donc la cause principale c'est quoi? C'est le fait de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal. Donc, le fait de placer ta confiance en Allah Azza wa Jal, c'est une cause en elle-même. Ça, c'est premier lieu. C'est le grand, plus haut degré. Une personne qui va s'éloigner des causes, par exemple, surtout le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, donc une personne, il n'est pas sur la droiture. C'est une personne égarée, bien sûr. ولكن من تمام التوكل عدم الركون الى الاسباب. Et pour vous dire en même temps, التوكل على الله عز وجل, le fait de placer ton entière confiance en Allah عز وجل et de ne pas prendre les causes, ça c'est parmi les plus hauts degrés de la foi. De ne pas prendre les causes, ça c'est parmi les plus hauts degrés de la foi. Et on a plusieurs histoires à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, à l'époque de nos salaf salih, soit dans le passé, même en présent. Ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas des années, on a rencontré des savants, on nous a raconté les positions des savants concernant les causes, comme notre grand shir al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Le jour où on lui a proposé de faire la chimiothérapie pour guérir, entre guillemets, il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il voulait rencontrer Allah Azza wa Jal avec sa barbe. On lui a dit qu'il va perdre ses cheveux, donc il ne l'a pas accepté, rahimahullah ta'ala, il n'a pas pris cette cause. Ici, al-ulama, on dit que ça s'est parmi les plus hauts degrés de la foi, le fait de ne pas prendre les causes. Mais sinon, les causes en elles-mêmes, c'est une droiture, c'est une guidée. Parce que Allah Azza wa Jal, dans plusieurs endroits dans le Coran Karim, il nous a encouragé, il nous a ordonné, il nous a aussi motivé de prendre les causes. Et le prophète alayhi salatu wa salam lui-même prenait des causes dans sa vie. Et on a plusieurs exemples sur ça. Wa qat'u 'alaqati al-qalb biha fa yakunu halu qalbihi qiyamuhu billahi la biha wa halu badanihi qiyamuhu biha. Fal asbab mahall hikmah lillah wa amrihi wa nahyih. Donc comme vous le savez, les causes, barakallahu fikum, c'est une très grande sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'une personne, s'il a été ordonné de la part d'Allah Azza wa Jal, qui ne prend pas les causes, donc c'est une charge pour nous de ne pas prendre les causes. Pourquoi? Parce que matin et soir, on a besoin de prendre les causes. On a besoin de prendre, par exemple là maintenant, on a besoin de se couvrir parce qu'il fait froid. Une personne ne va pas nous dire que maintenant, moi je vais faire mon entière confiance en Allah Azza wa Jal, je vais marcher torse nu par exemple. Donc on lui recommande de faire quoi? De prendre les causes et de se vêtir. قال والتوكل متعلق بالربوبية وقضائه وقدره فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. Et tawakkul, il a un attache direct avec la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, avec son destin aussi. Avec son destin aussi. Le fait de prendre les causes, il a un lien directement avec la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Wa ala hadha fa innahu dhukirat ayat idda fil Qur'an al-Karim. Fil Qur'an al-Karim wa fi sunnati an-nabawiyyah. Hatta innaka idha aradta an تجلب جميع هذه الآيات التي تتكلم على التوكل أو الأحاديث التي تتكلم عن التوكل سوف نجلس مجلسا يعد يعني نعده بالكثرة يعني مجالس عدة من أجل أن نعد الآيات التي تتحدث مباشرة عن التوكل أو من غير مباشرة وكذلك الأحاديث النبوية والقصص التي جاءتنا من المؤمنين الذين سبقونا ومن المؤمنين السابقين السابقين من الرعيل الأول وكذا عبر الأزمان تجد عندك قصص وكذلك أحاديث من الكتاب كذلك من القرآن الكريم والحديث والسنة النبوية وكذلك آثار السلف الصالح عن التوكل على الله عز وجل. إذا لا بارك الله فيكم le fait de parler de التوكل comme vous le savez nous. À chaque fois quand on veut adorer Allah Azza wa Jal, on doit se baser sur deux choses très importantes. Le livre d'Allah et la sunna du prophète. Troisième chose, la compréhension de Salaf al-Salih. Le fait de parler sur Tawakkul, Allah Azza wa Jalla a parlé directement avec le mot Tawakkul dans le Coran Karim, dans plusieurs versets coraniques. Il y a aussi des versets coraniques, ils ont parlé indirectement de Tawakkul. Et on ne va pas vous parler des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam et des histoires du prophète alayhi salatu wa salam lui-même, comment il a fait Tawakkul ala Allah Azza wa Jalla. Et aussi les histoires des nations qui nous ont précédés. Et aussi les histoires de Salaf al-Salih, commençant par As-Sahaba alayhi min Allahi al-Ridwan jusqu'à la fin des temps. On peut vous rapporter jusqu'à à notre époque maintenant les histoires des savants, comment ils ont placé leur confiance en Allah Azza wa Jal. Yaqulu Allah Azza wa Jalla fi muhkam al-tanzil. Wa yaquluna ta'ah. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ici Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ce verset coranique, ils disent obéissance. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, on lui raconte l'histoire des gens. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam ne connaît pas l'invisible. Donc une personne, il vient, il parle avec lui avec sa langue. Le prophète alayhi salatu wa salam, il le croit. Donc ici, Allah Azza wa Jal lui dit, ils disent, donc ils t'ont dit, ta'a, obéissance. Mais Allah Azza wa Jal sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs des gens. En réalité, ils sont en train de te mentir. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla lui fait des rappels. Parce que des gens, ils vont promettre au prophète alayhi salatu wa salam de sortir avec lui dans son combat, dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Mais en réalité, ils ne voulaient pas sortir avec lui. C'est dans l'apparence seulement. Le prophète alayhi salatu wa salam, il les a crus. Mais Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs. Il lui a révélé ces versets coraniques où Allah Azza wa Jal lui dit, place ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. Ils disent obéissance, puis cite, sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit. Subhanallah, des gens pensent que le fait, dans la journée, ils te montrent dans l'apparence leur position, et c'est ça, généralement, ce qui se passe chez les hypocrites et aussi toutes les branches qui suivent les hypocrites. Parmi les branches, les parties que vous connaissez, les gens égarés. Dans la journée, dans l'apparence, avec toi, ils vont te montrer une telle position, mais en réalité, en cachette. Et dans les assises secrets dans la nuit, ils vont quoi? Ils vont montrer leur vrai visage. Mais Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, est là, est présent, sait qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs, sait, il connaît le passé, comme il connaît Allah Azza wa Jalla, pardon, il connaît le futur. Donc il sait très bien qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va se passer. Et c'est pour ça à la fin, Allah Azza wa Jal lui dit que ces personnes, ils lui racontent dans la nuit, ils ont changé de position. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah Azza wa Jal et Allah suffit comme protecteur. Allah Azza wa Jal suffit comme protecteur et ça c'est la vérité. وقال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Dit, rien ne nous atteindra, n'importe quelle chose, soit le bien soit le mal, si c'est par Allah عز وجل l'a autorisé. Donc celui qui te donne les bienfaits et repousse sur toi le mal, c'est Allah عز وجل. Et de là il dit, en dehors de ce qu'Allah Azza wa Jal a prescrit pour nous, pour toi, pour moi, pour vous, pour nous, toute chose, le bien ou le mal. Le bien ou le mal. Comme vous le savez, celui qui a créé le bien, c'est Allah Azza wa Jal. Et celui qui a créé le mal, c'est Allah Azza wa Jal. خلق الخير والشر, Allah Azza wa Jal. Et puis Allah Azza wa Jal, grâce à lui, il va repousser sur toi, parce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas te faire du mal. Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il vient de sa part, il n'y a que des biens. Et subhanallah, ce n'est pas qu'avec les croyants seulement. Regardez, on est pratiquement 7 milliards d'hommes qui vivent sur terre. La majorité commettent l'association. Mécrit. Mais Allah Azza wa Jal leur donne la subsistance, leur donne la paix, leur donne la sécurité. Regardez Allah Azza wa Jal, il n'y a que du bien qui vient de sa part, alors que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui leur donne tout ça. C'est Allah Azza wa Jal qui gère tout ça. Mais l'homme, dès qu'il voit un mal arriver, il va renier tout ça. Et ça c'est connu. L'homme, en réalité, et on ne va pas généraliser bien sûr, il est ingrat avec celui qui l'a créé. Il est ingrat même avec ses parents. Il est ingrat avec ses proches. Donc malheureusement, le mal, il est suivi par beaucoup de monde, qu'Allah nous préserve. Et de là, toute chose qui se passe sur terre, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَلْيَتَوَكَّلْ جَمِيعُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Donc on devrait, nous en tant qu'hommes, placer notre entière confiance en Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a des mal qui peuvent atteindre l'homme. Comme vous le savez, الموت مصيبة. La mort, c'est un mal. C'est une mosiba. Les maladies, c'est un mal. C'est une mosiba. Certes. Mais Allah Azza wa Jal a voulu que la mort d'un croyant, c'est une purification pour lui. Les maladies pour les croyants, c'est une purification pour lui. C'est pour ça le ulama. Vous pouvez lire dans leur livre des chapitres, les bienfaits des maladies. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il sait qu'il y a des croyants comme il y a des non-croyants. Il va leur donner la même épreuve. Pour le croyant, c'est une purification, il est en train de le purifier de ses péchés. Et pour les non-croyants, c'est un châtiment. Et c'est pour ça, en réalité, la personne, le croyant, quand il va lire la situation des croyants avant, juste avant la mort, le moment où il est en train d'agoniser et après la mort, il ne va pas considérer la mort comme un mal. Il va considérer la mort comme une très bonne nouvelle. Parce qu'il veut voir Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui a rapporté comme nouvelle. La première des choses, pour Allah Azza wa Jal, ce serviteur, qu'il puisse s'appuyer sur Allah Azza wa Jal. Donc non seulement il a vécu en tant que croyant, le moment où il va mourir, Allah Azza wa Jal va lui envoyer l'ange de la mort. Comment? Avec un visage lumineux, rapportant des bonnes nouvelles. En même temps, non seulement ça, il est en train d'agoniser. Les anges d'Allah Azza wa Jal qui les a envoyés avec du linceul qui vient du paradis, avec du musc qui vient du paradis, que pour lui, c'est des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça quand il va, l'ange de la mort, prendre l'âme de ce croyant, ils ne vont pas la laisser dans sa main un clin d'œil. Ils vont l'arracher, ils vont la prendre, ils vont l'envelopper et tout de suite avec le linceul qu'ils l'ont ramené du paradis, avec du musc qu'ils l'ont ramené du paradis, ils vont commencer à monter le premier ciel, le deuxième, jusqu'au septième ciel. Que des bonnes nouvelles. Et c'est pour ça, en réalité, la mort des croyants, ce n'est pas un mal. C'est une très bonne nouvelle pour les croyants. Jusqu'Allah Azza wa Jal va dire Uktubu ruha abdi fi a'la illiyin. Écrivez l'âme de mon serviteur dans les plus hauts du paradis. Qui est le firdaus al-a'la, subhanallah. Et puis là, l'âme elle va revenir dans la tombe. Et là, on va lui poser ces trois questions connues. Et bien sûr, les trois questions, avec les anges qui vont venir, avec un visage lumineux, rapportant des bonnes nouvelles, ça veut dire, quand tu vois ça, tu seras apaisé. Quand tu vas les voir, tu seras apaisé, tu seras concentré pour répondre à ces questions. Et à la fin, tu vas répondre. Et à la fin, tu vas vivre ce qu'on appelle les bienfaits de la tombe. Mais le contraire du non-croyant, avec des mauvaises nouvelles. Et vous savez comment l'âme de cette personne elle va sortir. On va lui même pas lui permettre de, on va même pas lui ouvrir la première porte du ciel. Et vous connaissez le châtiment de la tombe. Et de là, c'est pour ça le croyant il accepte, il a place son entière confiance en Allah Azza wa Jal. Même sur une chose qui rapporte pour sa famille le chagrin et le mal et la tristesse qui est la mort. Mais en réalité, le croyant, certes, il est triste. C'est naturel, comme le prophète, quand il a perdu son fils Ibrahim, il était triste, il a même coulé des larmes, le prophète, ça c'est naturel, c'est l'homme. Mais en réalité, nous, on a ce qu'on appelle que Allah Azza wa Jalla nous a annoncé les bonnes nouvelles par l'intermédiaire du Coran al-Karim, et comme dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, en disant que Allah Azza wa Jal, en disant que le croyant il va rencontrer Allah Azza wa Jal avec un cœur qui est apaisé, avec une âme qui va rapporter que des, qui va voir que des bonnes nouvelles. هناك مواطن التوكل على الله عز وجل. قال إن التوكل على الله عز وجل مطلوب في كل شؤون الحياة. بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها الحض على التوكل والأمر به للمصطفى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وقد ذكر الفيروز آبادي رحمه الله تعالى من ذلك أمورا التوكل على الله عز وجل مطلوب في حياتك جميعا في صباحك في أمسيتك في كل الأحوال في كل الأحوال معذرة وفي كل حين تتوكل على الله عز وجل يعني لولا التوكل على الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو ما استقر الأكسجين في أنفي لولا التوكل على الله لولا الله عز وجل ما تلفظ أحد منا كلمة ما تحرك بحركة ما فعل شيئا ما ولذلك إذا لاحظتم حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها التجاء لله عز وجل وتوكل أعوذ بالله بسم الله توكلت على الله حياته كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند مرقده ملبسه عندما يستيقظ عندما يلبس عندما يخرج في كل الأحوال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل بسم الله اللهم ربي وكذا في كل الأحوال وهذه هي حياة المؤمن En réalité, التوكل على الله عز وجل, c'est pas qu'une recommandation seulement, c'est une obligation. Il y a des moments où Allah عز وجل a recommandé, poussez-vous inshallah, barakallah fikoum les frères. Il y a des moments où Allah عز وجل a recommandé aux croyants, certes, mais en même temps Allah عز وجل les a ordonné. التوكل على الله عز وجل. C'est une réalité, c'est une vie. Regardez notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre guide suprême. Sa vie. La vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Du matin au soir. Que tawakkul ala Allah. Placer sa confiance en Allah azza wa jal. Le prophète il respire, il expire tawakkul. Il mange, il boit avec tawakkul. Il dort, il se réveille avec tawakkul. Il sort de chez lui avec tawakkul, il rentre chez lui avec tawakkul. Bismillah, au nom d'Allah, oh mon Seigneur, Allahumma. Tout le temps, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa vie, c'est une tawakkul ala Allah, c'est un tawakkul ala Allah, azza wa jal. Et c'est ça la vie des croyants aussi. C'est pas que la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'en réalité, le croyant, il y a beaucoup de moments dans la journée et dans la nuit où il fait tawakkul. Mais il ne ressentit pas ça parce que c'est une habitude chez lui. Et de là, les ulama, ils nous ont recommandé salaf al-salih. À chaque fois, de se faire des rappels. Et comment on fait des rappels? Le fait de voir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Parce que ce n'est pas tout le monde va voir les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur eux. Mais le jour où tu vas méditer sur le tawakkul, en réalité, oui, c'est vrai. Moi, quand je suis rentré dans la mosquée, j'ai dit Bismillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah. C'est un tawakkul, ça. Quand je vais sortir tout à l'heure, quand je vais m'asseoir, je vais marcher. Donc, à chaque fois, quand vous allez voir, en réalité, on est en train de vivre dans tous nos moments le tawakkul à Allah Azza wa Jal. Mais il faut le ressentir. Pour ça, il faut méditer. Pour ça, il faut se faire des rappels. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, quand je vais rentrer aux toilettes. Vas-y, je vais lire l'explication de ce hadith et ce dua. Vous allez trouver que c'est un tawakkul. Tu cherches protection chez Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse te préserver de tout mal qui se trouve dans cet endroit. Et tout ce que tu dis dans la journée, tout ce que tu dis dans la nuit, c'est un tawakkul à Allah Azza wa Jal. Et l'un des savants de l'islam qui s'appelle Al-Fayrouz Abadi, il nous a rapporté des endroits où le croyant, il va se retrouver à tout moment à faire le tawakkul à Allah Azza wa Jal. وقد ذكر قال إن طلبتم النصر والفرج فتوكلوا على الله عز وجل لقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون يعني المؤمنون جميع الناس وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي نعم قال النصر من ينصر الله عز وجل من يفرج عني وعنك وعن الرسول عليه الصلاة والسلام من لولا الله عز وجل فعلى هذا فإن النصر آت آت وكائن كائن وآت آت فالمسلم ما الذي عليه أن يفعل أن يتوكل على الله وليعلم أن النصر والفرج لا يأتي إلا من عند الله عز وجل ولا يأتي من غيره لا من سلاح كيت وكيت ولا كذا ولا من عند فلان أو علان أو من عند هذه الدولة العظمى كما يسمونها لا إن النصر يأتي من عند الله العظيم من عند رب العالمين وإن الفرج يأتي من عنده أيها الناس إن ينصركم الله فلا غالب لكم أي نعم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Donc ici, le fait de demander la victoire, le secours, والله عز وجل t'ouvre les portes de la paix. C'est qui va te donner la victoire et le secours? C'est par Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une réalité. Oui, ces versets coraniques, matin et soir, on les connaît. On les écoute. On dirige avec la prière. On dirige avec Tarawih, ces versets coraniques. Mais en réalité, est-ce que on a la compréhension de ces versets coraniques? Al-Nasr, la victoire, en réalité, elle vient de chez qui? Hein? De telle puissance, tel pays puissant, de telle arme. Non, de la part d'Allah Azza wa Jal, cher serviteur d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal, tout ce que vous êtes en train de voir et de ne pas voir dans ce monde, dans cet univers, il appartient à Allah, c'est lui qui le gère. Et c'est pour ça, nous, on a besoin de placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. Là, quand Allah Azza wa Jal va voir en nous le changement, il va nous donner la victoire, comme il a fait avec les précédents, les croyants qui nous ont précédés. depuis l'époque de Adam jusqu'à la fin des temps. On a des histoires dans le Coran Karim, dans la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, où Allah azza wa jal a parlé de la victoire. ولكن قبح الله فعل الإخوان المفلسين قبح الله فعلهم ثم قبحهم ثم قبحهم الله. لماذا؟ لأنهم غيروا معاني وفضائل يوم الجمعة وجعلوه جمعة غضب. قبح الله فعلهم وقولهم، كيف أنهم هذا العيد العظيم الذي فيه فضائل عدة من ليلته إلى غروب الشمس، عيد المسلمين، فضائل عظام، جعلوه جمعة غضب. قبح الله كلامه، وهو عيد للمسلمين، يشغلون الناس بهذه الأمور ويطلبون من الله عز وجل النصر. كيف يأتي النصر إلى قلوب تعتقد أن الجمعة هي جمعة غضب عياذا بالله؟ وإنما هذا الجمعة هو عيد المسلمين. فإذا أرادوا أن ينصروا معتقداتهم وأحزابهم دعوا الناس أن يخرجوا إلى جمعة غضب ويتظاهروا ويفعلوا ويفعلوا، لا صلاة صلوها في المساجد ولا صلاة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يوم فيه يصلى ويكثر فيه من ونكثر فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو النصر الحقيقي. أما هذا النصر الذي يسمى بجمعة الغضب، لا سمع الله فاهم وقبح الله أقوالهم وأفعالهم. Le secours et la victoire, elle vient de chez Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que tu es en colère, parce que tu as manifesté, tu vas faire des manifestations et tu vas te regrouper et tu vas avoir le secours et la victoire d'Allah Azza wa Jal. Non, le prophète, la veille de la bataille de Badr, il s'est retiré. Il a fait la prière de la nuit, il a insisté avec Allah Azza wa Jal toute la nuit en faisant dua. Mais les frères, entre guillemets, qui disent les frères musulmans, ces personnes, qu'Allah ferme leur bouche et leur comportement, regardez comment ils se sont comportés avec ce jour dans la semaine, qui est le meilleur jour dans la semaine. Le vendredi, ils l'ont appelé le vendredi de la colère. Allah al-musta'an, qu'Allah nous préserve de cette parole. À chaque moment, quand ils veulent faire une sortie, une manifestation, ils disent aux gens, ce vendredi c'est le vendredi de la colère. Allah al-musta'an. Alors vous savez très bien qu'est-ce qu'il y a dans ce jour. Le bienfait, il est bienfait dans ce jour, de la nuit de l'Jumu'ah jusqu'au coucher du soleil, que des bienfaits. C'est la fête des musulmans. Ils ont rendu cette fête des musulmans. Le bienfait de ce jour, le fait d'assister à l'Jumu'ah, de venir très tôt et d'assister à l'Jumu'ah, et surtout de multiplier la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam et la salutation. C'est ça ce qu'ils devraient faire, le croyant. Eux non, ils ont mobilisé les gens pour faire quoi? Pour se réunir dans ce jour. Ils l'ont appelé vendredi de la colère, Jumu'ah Ghadab. Allah al-musta'an. Égaré, égareur. Comment vous voulez qu'Allah Azza wa Jal va donner la victoire à ces personnes qui ont ce cœur, qui n'a pas placé sa confiance en Allah Azza wa Jal? Non seulement il n'a pas placé sa confiance en Allah Azza wa Jal, mais il s'est mal comporté avec Allah Azza wa Jal en disant que ce vendredi, c'est un vendredi de colère. Allah al-musta'an. Pourquoi ce n'est pas le samedi? Pourquoi ce n'est pas le dimanche? Pourquoi ce n'est pas d'autres jours? Ils ont choisi le vendredi parce que c'est des égarés. C'est des personnes qui devancent l'innovation sur la sunna. Aucune considération. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui suivent leurs passions, qui suivent leurs avis. Mais véritablement, un croyant, il ne pourra jamais dire sur ce jour, qui connaît la valeur de ce jour, dire que c'est un jour de colère. Allah al-musta'an. C'est le meilleur jour dans la journée, dans la semaine. C'est la fête des musulmans. Là, on doit multiplier les adorations. Là, on doit montrer notre humiliation à Allah Azza wa Jal, notre soumission à Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, même le prophète, il nous a interdit de jeûner ce jour. Il nous a même interdit de faire la prière de la nuit du vendredi. Qiyam al-layl. Ça veut dire le jeudi dans la soirée. Pourquoi ? Pour avoir la motivation pour adorer Allah Azza wa Jal dans ce jour. Mais eux non, ils ont changé tout. En disant que ce jour, c'est un jour de manifestation et c'est un jour d'une Jumu'a colère. Elle s'est propagée partout dans le monde. Celui qui veut sortir maintenant, il sort le Jumu'a. Et ça réjouit les ennemis de l'islam. Parce que le samedi pour les juifs et le dimanche pour les juifs, il est préservé. Et ça réjouit ces personnes. Et le vendredi, regardez les musulmans, ils ne vont pas lui donner une considération. Une personne qui va sortir pour faire une manifestation, il doit faire le Jumu'a dans la mosquée? Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Que l'égarement. Et c'est pour ça. Et si Allah Azza wa Jal nous a dit, c'est Allah que les croyants doivent faire confiance. Il dit, si Allah vous donne son secours, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal, nulle personne peut vous donner le secours, quelle que soit cette personne qui guide ou qui ne guide pas les gens, même le gouverneur, même les gouverneurs en entier. Wallah al-Azim, si Allah Azza wa Jal ne veut pas que le Quds revienne à un musulman, Wallah al-Azim, même tous les gouverneurs du monde entier, personne ne pourra faire quelque chose. Tous les gouverneurs avec leur armée réunie, si ce n'est pas Allah Azza wa Jal a voulu, pourquoi? Cheikh Al-Uthaymin a souligné un point qui est très important, rahimahullah ta'ala. On ne peut pas avoir la victoire pour rapporter le Quds au nom de quoi? Parce qu'on est des Arabes. Hein? Nationalisme. Si tu ne demandes pas au nom d'Allah Azza wa Jal le secours, et tu ne demandes pas le secours de chez Allah Azza wa Jal, si tu ne crois pas que la victoire, c'est par Allah Azza wa Jal qui t'a donné, parce qu'on est réunis, parce qu'on est des Arabes, parce qu'on est des musulmans, non. Par Allah Azza wa Jal a dit, Cheikh Al-Uthaymin, on ne va pas avoir la victoire. On ne va pas avoir la victoire, qu'Allah nous préserve de cette idéologie. قال إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah Azza wa Jal, et Allah suffit comme protecteur. Ça c'est quand tu es en face de tes ennemis. L'ennemi, il t'a donné, il t'a tourné le dos. Il ne veut pas. L'ennemi qui à l'époque c'était l'ennemi, c'était les hypocrites. Les hypocrites à la bataille de Uhud, ils sont sortis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et les faibles des croyants, ils sont revenus après. À peu près 300 personnes. Ils ont laissé le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont laissé. Le prophète, Allah Azza wa Jal lui a dit, pardonne-leur donc. Et place ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. Parce que c'est lui qui va te donner le secours. Qad. إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الله فاعتمد على التوكل على الله قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Alors s'ils se détournent, dit, donc une personne te donne le dos, ils vont se détourner, ils vont te laisser, ils vont t'abandonner, dit, Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance. إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل. هذا من كلام الفيروز أبادي رحمه الله تعالى. Donc tout ce que je suis en train de vous répéter maintenant, c'est les paroles de Cheikh رحمه الله تعالى الفيروز أبادي رحمه الله تعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تلي عليك القرآن أو إذا تلوته أنت توكل على الله عز وجل. Si on te récite le Coran ou tu récites le Coran Karim, appuie-toi sur at-tawakkul. Allah عز وجل dit dans le sens rapproché de ce verset coranique, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل وإن جنحوا للسلم فاجنح وفي رواية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. Ici aussi, quand tu demandes la réconciliation, quand tu demandes la paix, appuie-toi sur quoi ? Sur at-tawakkul, et place ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل على الله قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Et aussi, le destin, tu dois l'accueillir avec quoi? Avec le tawakkul. Quelle que soit ta destinée, quel que soit le destin qui t'est prescrit, donc tu dois faire quoi? L'accueillir avec quoi? Avec le fait de placer ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. Et puis, il te dit, إِذَا نَصَبَتِ الْأَعْدَاءُ حِبَالَاتِ الْمَكْرِ فَادْخُلْ أَنْتَ فِي أَرْضِ التَّوَكُّلِ قَالْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. إِذَا نَصَبَتِ الْأَعْدَاءُ الأعداء قد يكونون أقاربك شلتك أتباعك أناسك عندهم نفس الجنسية كأنت هذه تجد حتى أن الله عز وجل إن من أموالكم وأولادكم فتنة حتى ولدك يستطيع أن يفتنك وأن يكون عدوا لك كما كان حال المؤمنين السابقين. فماذا تنصب أنت الآن؟ كيف تقابل هذا المكر؟ بالتوكل على الله عز وجل. Donc ici, l'ennemi, c'est qui l'ennemi? L'ennemi, attention de dire, l'ennemi c'est telle nation, les mécréants, les associateurs, ou tel, non. L'ennemi c'est ta propre personne aussi. L'ennemi c'est tes proches. L'ennemi peut-être c'est tes enfants. Donc le jour où tu vois que l'ennemi il t'a tourné le dos, qu'est-ce que tu dis? Tu dis comme il a dit, nous, alayhi salam, à son peuple, c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Wa Cheikh l'Islam عنده كلام هنا في حقيقة الأمر جميل حول النفس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عند تفسيره لآية من آيات الله عز وجل حيث أن الله عز وجل يقول وقاتلوا الذين يألونكم. معنى هذا الكلام قاتل العدو القريب إليك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب الأعداء إليك نفسك فحاربها جاهدها. لا تبحث ما الذي يحدث في سوريا ولا في العراق ولا في أي بلد. ابحث عن نفسك وجاهدها وقاتلها بمعنى أدبها بمعنى حرضها على طاعة الله عز وجل. Ici, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, quand il a expliqué le sens de ce verset coranique, combattez l'ennemi le plus proche de vous. Il a dit, l'ennemi le plus proche de toi, c'est ton âme. Commence par elle. Commence par combattre. Qu'est-ce que ça veut dire le combat ici? Parce que les gens, ils veulent chercher le combat en allant en Syrie, en allant en Irak ou je ne sais pas quel endroit, mais en réalité, le vrai ennemi, c'est ton âme. Le vrai ennemi, c'est ton âme, et c'est pour ça que tu dois faire quoi avec elle? La combattre, comment? C'est pas le fait de se donner la mort, non. C'est le fait de lui apprendre de se soumettre à Allah. Le fait de s'humilier à Allah, Azza wa Jal. C'est le fait d'accepter les ordres d'Allah. De dévier les interdits d'Allah. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et là, vous allez voir plus tard comment Allah Azza wa Jal va donner la victoire. Il va donner la victoire. J'ai plusieurs exemples, mais je n'ai pas le temps. Mais je vais essayer de vous donner quelques histoires, ou une histoire, un petit résumé. Les Turcs, dans le passé, ils combattaient l'idéologie de l'Wahhabiyya de Mohammed, de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Ils vont les ramener par des milliers, attention, par des milliers, c'est pas par des dizaines. Devant tout le monde, ils vont les tuer. Pourquoi? Parce que c'est des Wahhabis. Et l'Wahhabiyya, c'est qui? Comme vous le savez, Non, on ne cherche pas le nom. Non, on cherche ce qu'ils ont rapporté les ulama de Najd à l'époque jusqu'à maintenant. Comme le tawhid. Parce qu'en réalité, eux, à l'époque, ils combattaient l'association. On adorait le prophète alayhi salatu wassalam dans la mosquée du prophète. On vient, au lieu de se diriger vers la Qibla pour se prosterner, ils vont se prosterner dans la tombe, en direction de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. C'était les soufis qui étaient en train de gouverner à l'époque, hein, l'Arabie Saoudite maintenant, le Hijaz. Ils ont combattu les savants de Najd jusqu'à ils vont les ramener par milliers et les tuer devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a nui, ça a diminué de la valeur d'Allah? Non. Est-ce que ça a rajouté dans la valeur d'Allah? Non. Eh bien, non, ce pays, on l'appelle Bilad al-Tawhid. Le pays de Tawhid, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'Allah, Azza wa Jal, quand il a vu le changement dans ces personnes, regardez maintenant ce pays, comment il est maintenant. Qu'Allah le préserve et préserve tous les pays des musulmans. Vous avez vu? Donc, n'attendez pas le résultat. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tous les livres que vous connaissez maintenant, les ulama ont dit qu'il y a une seule partie, une petite partie seulement qu'on a trouvé, mais sinon ils ont brûlé tous les livres de Cheikh rahimahullah. Ce bienfait, on ne peut même pas compter maintenant les livres de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Quand est-ce qu'ils les ont sortis après sa mort? Majmou' al-Fatawa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il est en plusieurs tomes. En plusieurs tomes. C'est qui les a réunis, ça fait pas longtemps. Dans ce siècle seulement. Dans ce siècle seulement, regardez. Ou avant ce siècle, pardon. À peu près 3 ou 4 siècles seulement. Au moins que ça. Pour vous dire, n'attendez pas le résultat. Plaçons notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et on ne va pas perdre notre temps à écouter les politiciens, qu'est-ce qu'ils disent, et l'autre, qu'est-ce qu'il dit, l'autre, qu'est-ce qu'il dit. Je lis le Coran, Karim. Je vais lire la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vais apprendre ma religion. Ça me suffit. Et ne vous inquiétez pas. Cette religion, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Le seul protecteur sur cette religion, ce n'est pas les frères musulmans. C'est Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas telle partie. Et ce n'est pas aussi les savants de l'islam connus, soit Cheikh Al-Albani, Cheikh Ben Baz. Non, ce n'est pas eux qui protègent cette religion. Eux, ils protègent cette religion. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces savants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait le fait de s'attacher à eux? Non, personne. Quand vous allez voir leur da'wa, ils font tout pour que les gens, ils vont s'attacher à quoi? À la da'wa. Pas à leur propre personne. Et l'acceptation, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait sur terre. Et c'est pour ça, le jour où Allah Azza wa Jal va aimer un croyant, il va faire appel à Jibril, le maître des anges. Il lui dit, oh Jibril, il va lui ordonner. Il va lui donner un ordre. Oh Jibril, j'ai aimé telle personne, aime-le. Allahu Akbar. Sallallahu Azza wa Jalla annakuna minhum. Et puis l'ange Jibril, il va obéir, il va y aller chez les habitants du ciel qui sont les anges d'Allah Azza wa Jalla, il va les appeler. Oh anges d'Allah, Allah Azza wa Jalla a aimé telle personne, donc aimez-le. Ils vont l'aimer. Et puis Allah Azza wa Jal va lui faire l'acceptation sur terre. Al-Qaboul. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, nous on les aime, on ne les a jamais vus. Sahaba. Les suiveurs. Les savants de cette époque. Et il y a des gens qui montrent leur amour, ils aiment telle personne, mais ils ne l'ont jamais rencontré. Pourquoi ça? C'est naturel. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait ça dans ton cœur. Tu as accepté cette personne et tu l'as aimé. Au point, si une personne va diminuer de sa valeur, tu ne seras pas content. Et tu vas refuter ses paroles et peut-être tu vas lui faire un rad, comme ils font les savants, dans toutes les époques. Et puis, إِذَا كَانَتِ الْهِدَايَةُ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَقْبِلْهَا بِالشُّكْرِ وَالتَّوَكُّلِ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Donc nous on a la certitude qu'Allah Azza wa Jalla nous a guidés. ولولا الله ما اهتدينا. Si c'est pas Allah Azza wa Jal, on sera pas guidé. On sera pas orienté. Comment on devrait ça faire, comment on doit recevoir cette ni'ma, ce grand bienfait avec la reconnaissance. Al-shukr. Louer Allah et de demander de remercier Allah et d'être reconnaissant vers Allah Azza wa Jal en faisant quoi? Tu places ton entière confiance en lui. C'est une reconnaissance. Parce qu'Allah Azza wa Jal t'a guidé, je vais être reconnaissant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ma confiance en Allah Azza wa Jal. إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجئ إلا إلى باب الله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Maintenant, comme vous le savez, une personne, c'est naturel d'avoir peur d'un ennemi. D'un ennemi. Et le fait aussi de se préserver de Shaitan et des traîtres aussi. Qu'est-ce qu'il devrait faire, le croyant? Il devrait avoir en premier lieu cette croyance. Personne ne peut te nuire. Personne ne peut t'approcher. Personne ne peut te faire du mal. Et c'est pour ça que tu dois placer ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. Et Shaitan, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient. Ça, c'est une croyance pour les personnes qui ont peur des djinns. Pour des personnes qui disent que nous, on est possédés par un djinn. Pour des personnes qui ont peur d'un sorcier. Aucune personne n'a un pouvoir sur toi. Parce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le sens de ce verset coranique, il n'a aucun pouvoir sur qui? Sur qui croit en Allah Azza wa Jal. Donc, Shaitan, il ne peut pas te posséder, ô toi faible. Un shaitan, il ne pourra pas te posséder. Ni aussi al-jinn. Et c'est pour sa place, ton entière confiance en Allah Azza wa Jal, le verset coranique, il est clair. Il n'a aucun pouvoir sur les croyants. Ça sera ta croyance jusqu'à la fin de ta vie. Il n'a aucun pouvoir. Cet ennemi, un shaitan, les traîtres, aucun pouvoir sur moi. Parce que je suis un croyant. Parce que je place mon entière confiance en Allah Azza wa Jal. إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل الأحوال. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu devrais faire, cher serviteur d'Allah? Placer ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل. Comme vous le savez, nous, en tant que croyants, on cherche le plus haut du paradis qui est le Firdaus al-A'la. Nasallahu azza wa jalla an yuskinana al-Firdaus al-A'la. Pour avoir cette demeure, qu'est-ce que tu devrais faire? Placer ta confiance en Allah azza wa jalla. In shi'ita an tanala mahabbat Allah fa anzil awwalan fi maqam at-tawakkul. Fatawakkal 'ala Allah inna Allah yuhibbu al-mutawakkilun. Tu veux que tu seras aimé par Allah azza wa jalla? Allah azza wa jalla, il t'a dit ici. Si tu veux réellement être aimé par Allah Azza wa Jal, place ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. Place ton entière confiance en Allah Azza wa Jal. Et puis, قال وعندنا أحاديث في هذا السياق جئتكم بحديث واحد يكفي إن شاء الله تعالى ونتم هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة حتى نتحدث عن هذه القصة العظيمة قصة الراهب والغلام والساحر. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ يعني الملائكة هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي بمجرد قولك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هديت وكفيت ووقيت حتى الشيطان يشهد كيف بك برجل قال هذه الكلمة قد عوفي وكفي ووقي وكفي ووقي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ثلاثا، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. Donc ici regardez hadith qui est rapporté par hadith authentique où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit d'après Anas ibn Malik رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. Le prophète a dit, celui qui, quand il sort de chez lui, il dit « Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. » Les anges vont dire « Tu as été guidé, tu as été protégé, tu as été préservé. » Et les shayatins vont s'éloigner de lui. Un shaytan va témoigner, il va dire « Comment vous voulez égarer une personne qui a été guidée et protégée et préservée ? Une kalima, jumla, une parole seulement. Bismillah tawakkalt wa bismillah tawakkalt bismillah tawakkalt bismillah tawakkalt ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. 6 secondes. 6 secondes, ça suffit pour que tu seras protégé toute la journée et toute la nuit grâce à Allah Azza wa Jal. Inch'Allah ta'ala, prochainement, on va vous raconter cette histoire qui est merveilleuse pour nous les croyants. L'histoire, le récit du sorcier, du moine, du garçon et de ceux qui furent contraints d'entrer dans le fossé. C'est une histoire qui parle des croyants. Et vous allez voir que cette histoire, elle est immense, elle est merveilleuse. Et c'est un exemple, inshallah ta'ala, pour nous. Wallahu ta'ala alam, wa sallillahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa barakallahu li wa lakum fil Qur'an il-Karim.